Il y avait une grosse réunion hier, c'était pour l'avenir du Centre civique. Rappelons les faits, au printemps, il y avait une réunion générale où on disait que le Centre civique était quand même en sérieuse difficulté financière. Il y avait eu un comité qui a été mis sur place, il y avait des recommandations de faire. Et hier soir, on a réuni tous les membres au Centre civique pour faire connaître un peu les recommandations de ce comité-là. Et question de savoir qu'est-ce qui en retourne. On parle avec le maire de Dolboum-Cessny, Richard Hébert. Salut, Richard. Oui, bonjour. Oui, ça va super bien, Richard. Quand il fait beau de même, c'est incroyable. On se croirait en été encore. Hey, Richard, qu'est-ce qui en retourne suite à l'Assemblée générale d'hier? Bon, tu as fait un bon résumé parce que le 9 avril 2015, il y avait eu la rencontre qu'on avait appelée rencontre de la franchise et de la vérité où l'heure était assez grave. Hein? Ouais. On a dit à ce moment-là que tout était sur la table, que toute solution serait envisagée. Donc, on a mis en place un comité de relance qui avait comme mission de nous proposer des scénarios là d'ici à la fin du mois d'août, ce qui a été réalisé. Ils sont venus nous rencontrer, le conseil de ville. Ce qu'ils nous ont proposé a reçu notre aval. Le conseil est tout à fait d'accord avec cette proposition-là. On les appuie, on est d'accord. Alors, hier, ce qui a été proposé, en fait, là, c'est de former un comité qui se divise de cette manière-là, c'est-à-dire qu'un conseil d'administration formé de 8 membres, qui se divise en 3 sous-comités, c'est-à-dire comité curling, direction générale, comité de financement. Okay. Alors, chacun président qui fait partie aussi du conseil d'administration et, en dessous de ça, préposé à l'entretien et secrétaire comptable. Nous, la ville, on avait quand même des conditions. Il y avait des demandes de la part du centre civique, c'est-à-dire qu'on continue, nous, encore pour 2014-2015, de continuer de payer la facture d'électricité, qui représente une somme importante. Ensuite de ça, on va effectuer le déneigement par les services de travaux publics. On a refinancé le prêt hypothécaire qui est cette fois-ci le gros morceau, là. C'est 360 000 $. OK, oui, oui. Ça, c'était la dette, ça, hein? Puisque oui. Je sais qu'il n'y avait pas une dette qui frisait quasiment les 400 000 du côté du Centre civique. Ouais, ben, c'est un peu de ça dont on parle. Nous, il y avait divers emprunts qui avaient été faits de notre côté à la ville, des avances de fonds. Alors, on l'a consolidé. C'est 360 000 $ qui va être payable qu'on est tiré sur une période de 12 ans. Et il y avait aussi des demandes, là, de la part du comité du centre civique. Alors, entre autres, de nommer 2 fonctionnaires de la ville pour faire partie du conseil d'administration. Ils ont demandé d'ajouter un montant de 10 000 $ au prêt pour créer un petit fonds de roulement. Okay. Puis on inclut aussi dans le nouveau prêt de la ville le remboursement de la marge de crédit puis les sommes qui étaient dues. On a refinancé, comme je te dis, chez Desjardins. Maintenant, les conditions de la ville, c'était une hypothèque de premier rang, pour garantir le prêt. On a adopté en Assemblée générale la structure de gouvernance qu'on a proposée, qui a été proposée par le comité de relance. Ce comité-là est formé de Daniel Huard, qui était élu président, Bernard Côté, vice-président qui s'occupe du curling, André Martel, qu'on connaît évidemment là, au niveau des caisses populaires, qui est aussi un vice-président qui s'occupe du financement, s'est joint à eux André Chiasson, Marie Côté, un membre désigné par la ville, un coopté qu'on appelle dans la population Junior Zio, et 2 représentants employés et ou élus par la ville, Frédéric Lemieux et Claude Godbout. Alors, tous ces gens-là vont former le nouveau conseil d'administration pour l'année à venir. Du Centre civique, ça. Et dans les conditions... Du Centre civique. Oui, exactement, okay, Daniel. Okay. Et dans les autres conditions qu'on avait fixées, hier, l'implication du nouveau conseil d'administration du Centre civique des membres du comité pour au moins 1 an, puis la recherche par le conseil d'administration de nouvelles pistes de solutions pour permettre le remboursement du prêt le plus rapidement possible, mais là-dessus, on va être blood un peu, on sera pas trop drastique, mais on a quand même dit que ces argents-là devraient être un jour récupérés, c'est bien correct avec ça. Je veux juste te dire que la salle était bondée autant que le 9 avril 2015, quand on a dit on va ouvrir toutes les pièces. Donc, il y a de l'intérêt. Les gens ont semblé heureux, voire certains même soulagés, parce qu'il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient. Et je dois quand même souligner l'extraordinaire travail de l'équipe de Junior Juno, Daniel Huard, Bernard Côté, Frédéric Lemieux, Claude Godbout. Vraiment, ces gens-là, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont réussi à soulager les argents à certains endroits pour faire une meilleure gestion. Alors, on est reparti du bon bord, comme on dit, puis on espère que ça va bien se poursuivre. Alors, c'était une réunion extrêmement importante, puis les gens ont répondu présents. Puis la population sur place ou les membres de l'Assemblée étaient très heureux des décisions qui ont été prises. Puis ils ont accepté les différentes propositions qu'on a placées sur la table. Richard, quand tu parles de meilleure gestion, d'aller chercher de l'argent, c'est sûr que t'es le maire, là. T'es pas nécessairement au courant, mais tu dois être à quelque part un peu au courant. Est-ce que ça veut dire une meilleure réfrigération? Parce que je sais que ça faisait partie, pour avoir été à la réunion du mois de mars, il y avait des frais à aller chercher là aussi. Il y avait de l'argent à aller chercher là. Exemple, la saison va commencer un petit peu plus tard, va finir un petit peu plus okay. tôt. Exemple, remettre le tournoi des organismes qui avait été un peu oublié au cours des années. Augmenter, je vais donner un exemple, l'augmentation un petit peu du coût des breuvages au bar. Ouais. Tu sais, c'est des petites choses comme ça qui permet, exemple, cette année, à l'exercice, quand on va finir l'exercice, avec un petit surplus financier. Okay, okay. Alors, on a mis en place, le conseil de ville, je le répète, avec tous ces gens-là, on a mis en place une structure qui, on souhaite, va pouvoir redresser la situation parce que personne n'était intéressé à voir tomber sur le pic des démolisseurs, cet établissement-là. C'est une affaire supralocale ouais. où tout le monde joue au curling dans notre secteur. Les salles sont convenables et on a aussi un locataire qui s'appelle la FGA. Ça fait que tout ça, c'était à tenir en compte. Je le répète encore une fois, tous ces gens-là ont fait un travail extraordinaire. Hey, question, Richard, parce que ça m'a été une idée que j'ai trouvé ça pas bête. Parce que j'imagine que là, toutes les idées sont envisagées, là, j'imagine, à partir de maintenant, là, pour l'année est sauvée, c'est positif, mais il faut trouver des sous, c'est ça? Le bingo, là, moi, je me suis fait dire que le bingo rapportait un petit peu moins que les autres années. Est-ce que... C'est pas tout à fait non? vrai. Non? OK. OK. Non, il y aura le bingo rapporte encore plus ou moins, je n'ai pas les chiffres okay. que j'ai vu, mais le chiffre que j'ai vu hier, c'est près de 40 000 $ par année. OK, 40 000 $ par année, OK. C'est pas c'est une quarantaine de mille, alors c'est pas négligeable. Il y a des frais relatifs à ça, mais quand tu vas chercher une quarantaine de mille $ là, je sais quelle était la proposition, ben ôtez donc le bingo puis mettez donc d'autres choses, mais on l'a tout été évalué par le comité de relance, puis ils sont arrivés à la conclusion que le bingo avait encore sa place parce que c'était un revenu récurrent. Et même s'il y a eu une petite baisse, le montant est assez important qu'on puisse regarder. Puis, on a d'autres avenues qui vont être, je dis « on » comme si j'étais un comité de relance, mais il y a encore d'autres avenues à explorer, soit la location de ouais. locaux ou ce genre ouais, de choses. Oui, c'était ça ma prochaine question, parce qu'il y a plusieurs organismes quand même qui ont besoin de locaux. Est-ce que ça oui. pourrait être une belle solution aussi? C'est quelque chose qui est envisageable. Okay. C'est pas discuté au moment où on se parle, mais il y a toutes sortes de tractations qui se font. Il y a une chose certaine, je vais vous donner un ouais. exemple. Le tournoi des organismes qui fait virer un peu le centre civique. Ça, on va le mettre à la place. Je me souviens, j'ai lu dans certains articles que, exemple, à un moment donné, ils ont loué une salle 200 $ puis ils ont remplacé le tournoi qui rapportait 5 000. OK. Ouais. Bon. Là, ça, je veux dire, nous, on sait pas surpris. Okay. On veut qu'il y ait des locations qui soient payantes, oui, mais pas à n'importe quel prix. Alors, le curling, c'est quand même ce qui fait virer beaucoup le centre civique. Alors, on va mettre beaucoup l'emphase là-dessus. On a augmenté un petit peu les cotisations. Tu sais, on a fait des petits ajustements comme ça, le conseil, c'est-à-dire le comité de relance, et ils ont fait un bon travail, puis ils ont réussi à dégager là, des argents. Des fois, c'est des petits 100 $ puis des petits 1000 $ mais à la fin, ça évite des problèmes, puis... On va essayer de résorber là, ce 360 000 $-là au cours des okay. prochaines années. OK. Une semaine de curling, comment ça coûte? Gary? OK. J'ai pas la réponse okay. à cette question-là. C'est, OK. C'est une réponse que je peux pas te donner, mais je veux pas dire. OK, OK, OK. Parce que c'était une question, parce qu'évidemment, tu m'as dit que ça allait commencer un petit peu plus tard pour finir un petit peu plus tôt. Oui, je pense qu'il commence en octobre, si j'ai bien compris ouais. là, quelle était la séquence. Donc, il y a un 5 à 7 qui s'en vient bientôt. Ils vont redonner des cartes aux membres pour pouvoir les vendre. Vraiment, là, hier, les gens étaient heureux, les gens étaient fiers. Les gens sont venus nous remercier d'avoir fait un bon travail. Les gens étaient reconnaissants de ce que la Ville avait posé comme geste. Mais on a posé des gestes réfléchis, en pensant évidemment à l'argent des contribuables, mais aussi en pensant que cet équipement-là était bien utilisé, qu'il fallait le conserver dans notre milieu. Avec OK. Tu as un prêt garanti de 360 000, Richard. Je sais que c'est une question que les gens ne vont pas que je la pose, mais il faut que je la pose pareil. Es-tu inquiète quand même? Non? OK. C'est beau. Non. Non, parce que la population, exemple, il y a trois groupes qui utilisent la vie active. Il y a un autre groupe junior, puis il y a un autre groupe, les ligues régulières. Je pense qu'il y a un bon tournant, là, je veux dire, ça fonctionne bien. Donc, ça nous laisse entrevoir de bons jours là, qui sont à venir. Donc, mais il fallait resserrer la situation. C'est ce qu'on a fait. Les membres de l'ancien conseil d'administration ont remis leur démission okay. et on a installé un conseil d'administration. On a mis nos gens à l'intérieur, là, Entre autres, je pense à M. Lemieux puis à M. Godbout qui sont à la ville. On a demandé là, d'aller prêter un œil dans ce qui se passe au niveau des finances. OK, OK. Bien, c'est une bonne nouvelle pour les curleurs. C'est, je pense que c'est une bonne nouvelle. Il y a un paquet de monde qui vont être soulagés à Dolbeau-Mistassini. Je pense que aussi l'objectif, Richard, aussi, c'est d'augmenter peut-être le membership de ce côté-là. À l'image du golf aussi. Le golf, on travaille fort pour augmenter le membership. Oui. Je pense qu'au curling, c'est la même affaire aussi. Là. On devra... Oui, la preuve, Dani, les tarifs pour les juniors n'ont pas été augmentés. Ah, OK. Fait qu'on pense à l'avenir. Oui, effectivement. Ben, Richard Hébert, félicitations et bravo au comité. Puis, on va avoir une chance de se reparler. Hey, la piscine, en passant, y a-t-il du nouveau là-dessus? La piscine, je sais que c'est un travail qu'on travaille pour... On a fait une demande de subvention là, à la mi-août là, okay. de 50% auprès des ministères des loisirs. Okay. On attend la réponse. On va dire, comme on dit, on est confiant d'avoir 6,6 millions de subventions si ça va comme on pense, on le souhaite. Il va rester à faire le montage financier qui reste encore assez important. Il reste encore 5 ou 6 autres millions à aller chercher. Alors, le travail n'est pas complété, mais on s'est attelé à la tâche, puis on garde... OK. Vous attendez la réponse pour quand? Parce que moi, c'est-tu long, normalement? Récemment, quand j'ai discuté avec les gens du bureau du député, on attend une réponse, là, peut-être d'ici quelques semaines, voire un mois au maximum, là, okay. où on devrait être fixé probablement avant la production du prochain budget là, qui va avoir lieu. Là, dans Parce que ça, c'est un autre gros dossier, ça, pour le secteur ici, au niveau sportif. Là. Depuis avec le conseil de ville, depuis qu'on est entré en fonction depuis à peine 2 ans, je sais pas si vous vous rendez compte des dossiers qu'on a, on a des dossiers importants, mais on est attelé à la tâche, puis on est de bonne humeur, puis on fonce. Ben, merci beaucoup, on s'en reparle, Richard, bravo. Merci le maire de Dolbeau-Mistassini, Richard Hébert.